بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا عرف ذلك المؤمن فكيف يتأتى له أن يعدل عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ سلوك يا العقيدة بخت qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, que le jugement revient à lui, et qu'on n'a pas le droit de juger par une autre loi que lui, comment après cela il peut laisser le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala afa hukman jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Est-ce qu'il recherche, lorsqu'il délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il ne recherche qu'à travers cela le hukm de la jahiliya? Fa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haq wa kalimatuhu hiya al-haq وحكمه سبحانه وتعالى فهو الحق فمن ترك الحق كما قال سبحانه وتعالى. Il n'y a pas une troisième issue. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Celui qui délaisse le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes pris quoi? Il a certes pris l'égarement. Par Abu Yusuf Abdullah Al-Adi. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن جمعنا لمرة ثالثة حول هذه المسألة العظيمة autour de ce grand sujet qui est الحكم بغير ما أنزل الله. Donc on a pu voir dans les premières et deuxième parties un grand bout de ce que comporte cette مسألة là. Et aujourd'hui, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, mon dou'a, hadihi al-muhadara, ça va être la continuité, la fin. On va exposer les aqwal min al-ulama al-lazina zallat fihi fi hadhihi al-mas'ala al-sinatuhum. On a pu voir parmi les halat qui sont évoqués pour la personne allati tahkum bi ghayri ma anzala Allah, on a pu voir ce qui s'appelle le tashri' al-am. C'est-à-dire que la personne, Al-Hakim, yahkum bi ghayri ma anzala Allah, le gouverneur, il juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il impose à son peuple. Comme une loi vers laquelle on revient, un tribunal vers lequel on revient. Hal wa hukmullah la hukmuhu bi nafsihi. Fa hadhi al-hala, kadhalik, on ne peut pas juger directement de la mécréance de cette personne-là, excepté si jamais. يعتقد أنه يجوز له ذلك كل مخير إلى droit de faire ce qu'il veut. تمام. Ou bien que يعتقد الأفضلية que son jugement par lequel il juge il impose à son peuple qu'il est beaucoup meilleur, il est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. تمام. Il approuve cela sur lui-même. Ou bien qu'il voit que son jugement il est quoi? مساويًا. Comme on a pu voir avec les halat. Ou bien جحودًا. Ou bien تكذيبًا. Ou bien تبديلًا. En dehors de ces halat-là, on ne peut pas se permettre du simple fait qu'il a imposé ceci à son peuple, que ça devient une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Pourquoi? Comme on a pu l'évoquer, parce qu'il n'y a pas de dalil qui montre cela. Et comme on a pu voir parmi la qawa'id al-asma wal-ahkam, allati natashabbasu biha, avec laquelle on se cramponne, c'est que l'islam, al-muslim, madama annahu muslim, à partir du moment qu'il est muslim, qu'il a fait l'asbab pour entrer dans l'islam, bin yaqin, et tout le monde sait qu'il est muslim, il fait les choses pour cela. Fahada al-muslim, on ne peut pas le sortir de cet islam-là, excepté bin yaqin, comme il est rentré. Il est rentré bin yaqin. فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَن نُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِيَقِينٍ. On peut le faire sortir de l'islam, excepté si jamais on a une mécréance qui est wadiha, que cette personne-là, elle est sortie de l'islam. En dehors de cela, on ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce qu'il faut un dalil. Mais là, le kitab, une sunna, et un dalil qui soit quoi? Wadih. Ça ne suffit pas que le dalil il soit mutashabi ambigu. Il faut qu'il soit wadih, qu'il soit wadih comme la chose par laquelle il est rentré dans l'islam. On n'a pas de dalil par rapport à cela. Et même, on a pu voir par rapport à l'ijma' qu'ils ont évoqué, les ulama, comme Ibn Abdul Barr, que l'asl, dans le jour, l'insan, c'est-à-dire que lorsque la personne a fait une injustice envers lui-même, fil hukm, comme il a dit Ibn Abdul Barr, que c'est les ulama, ittafaqu ala annahu kabiratum al-kabir, que c'est un péché parmi les grands péchés. Celui qui a une injustice dans son jugement, ils sont tous unanimes, comme on l'a évoqué, l'imam Ibn Abdul Barr, que c'est quoi? Ça fait partie des kabair. Et ma'ruf al-kabira, personne ne fait sortir de l'islam une personne qui a fait une kabira, excepté qui? Al-Khawarij. Al-Azin le kafiruna bil-kabira. Fait Ahlul Sunnah wal Jama'a la yukafirun bi al-kabir. Yani par rapport aux grands péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Les péchés qui sont appelés les grands péchés. Ma'ruf. Fait ils ne font pas sortir de l'islam les personnes avec soi, les grands péchés. Donc là, à partir du moment qu'on n'a pas un dalil qui nous prouve cela, lakin on a des ayahs qui nous montrent que c'est une marsia, et c'est une grande marsia, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé comme kufr. Comme la personne qui insulte son frère, ou bien plutôt la personne qui tue son frère, Allah Azza wa Jal, kathalika l'a évoqué, c'est du kufr. Donc c'est un grand péché. On n'a rien d'autre que cela. Que la personne, allati tahkum bi ghayri ma anzalallah, et qui l'impose à son peuple, comme un jugement qui est haram, vers lequel on revient, et on n'a pas d'indice qui nous montre qu'il préfère cela, ou qu'il voit que son jugement il est même, ou bien que Naham yestahil zalika, il voit que c'est yajouz lahum, on lui dit hukm Allah Azza wa Jal, il dit Naham, lakin c'est ja'iz li, je peux faire ça, yajouzouli. Cette personne-là, en dehors de ces hadaths-là, on ne peut pas juger de la mécréance de cette personne-là, surtout si jamais il dit que yani a'tarif, je sais que c'est un péché, ce que je suis en train de faire, je sais que je suis dans l'erreur, tam il akhirihi. C'est un asi min al-usa. Et si jamais on kaffar ce genre de personne-là, comme l'a évoqué l'imam Al-Usi, et kazalika l'imam Ibn Hazm, comme on a pu voir dans le dernier cours, dans la deuxième partie, et bien ça implique qu'on doit kaffar toute personne qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire tout désobéissant, parce que lorsqu'il désobéit à Allah Azza wa Jal, il n'a certes pas jugé sur lui-même, ou bien sur la personne à qui il a fait une injustice, par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas de dalil. Et alladhi yaqul, que c'est celui qui fait cela, yani c'est lazim que ya'taqid que son jugement il est quoi? Il est afdal, ou bien qu'il est égal à celui d'Allah azza wa jal. Certains ont dit lakin, le fait qu'une personne impose à la totalité de son peuple, ça nous montre qu'il a la conviction que son jugement il est bien meilleur que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il équivaut à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il lui est permis, il juge en pleine conviction, en pleine connaissance, qu'il lui est permis de pouvoir juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a pu le voir, ces hadaths là, ça revient à quoi? Ça revient aux choses qui sont parmi les mu'taqadat, parmi le cœur, et on ne peut les connaître excepté si jamais la personne nous en fait part. Si jamais c'est pas le cas, on a pu le voir avec le hadith Usama ibn Zayd et l'akhirhi, qu'on ne peut savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens excepté si jamais ils nous en fait part. Donc là, le fait de prétendre que ceci implique cela, ça c'est comme si on prétendait ce qu'il y avait dans le cœur de ces personnes-là. Et kadhalik, on a pu voir que le takfir bil lazim, une chose qui est lazima, tu dis nam c'est un lazim, si jamais il fait cela, et ben ça implique cela. Ça c'est des choses par lesquelles la nu kaffir bihi al-muslimin. Comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahu ta'ala, faqala famakan min al-lawazim yardahu al-qa'il ba'da wuduhihi lahu fahuwa qawluhu. Toute chose qui implique une autre, et on vient, on lui dit tu as fait cela, ceci implique cela, on lui montre, on lui bayyane, si jamais après cela al-qa'il, la personne qui a fait ces choses là, on lui dit ça implique cela, Comme ceux qu'ils ont dit, le fait de faire cela, ben, ça implique la mécréance, ça implique que tu as une aqida, que tu penses que ton hukm est meilleur que celui d'Allah Azzawajal. Et bien, on lui dit, ceci implique cela. Est-ce que toi, tu approuves, il y en a ces choses-là qui impliquent cela, comme quoi que ton jugement, tu penses que il est meilleur que celui d'Allah Azzawajal. S'il dit oui, khalas, kafar billah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma la yardahu, il y a un cheikh l'islam, qala wa ma la yardahu, falaysa qawlahu. Et si jamais on lui dit ceci implique cela, il dit non, non, non, moi je ne m'implique pas ce que tu me dis. Moi je sais que je suis un désobéissant, je sais ce que je fais, c'est une erreur. Lakin, que tu me dis le fait que je juge et que j'impose mon jugement à mon peuple, que moi j'ai la aqida que mon hukm est mieux que celui d'Allah Azzawajal, ou l'équivalent, ou bien que je me permets de pouvoir juger, je crois que j'ai le droit de juger par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal. Il dit, moi, je ne vois pas cela. Ça, c'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. À partir de ce moment-là, on ne peut pas aller plus loin que croire à cette personne-là. Si jamais il ment, hukmuhu ila Allah. Si jamais il ment, son hukm, il est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu un athar d'Ibn Umar, radiallahu anhu, plutôt d'Umar, dans lequel il a dit, « Kana nas yu'akhaduna fi ahd rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil wahyi. » Il dit, les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est jugé par rapport à quoi? Par rapport au Coran. Si jamais il mentait, la révélation a descendu sur cette personne-là. Faqala radiallahu anhu, wa inna al-Qur'an qad inqata'. Le wahy, il a cessé de descendre. Faqala wa innama na'khudhukum bima zahara min a'malikum. Quant à nous, maintenant, on vous juge par rapport à ce qui est apparent de vos œuvres. On regarde vos œuvres et on vous juge par rapport à vos apparences. Mais l'athar, il est fait le Bukhari, si jamais, je me rappelle bien. Il a bien évoqué dans ce athar-là qu'on prend les gens par quoi? Par l'apparence. On ne prend pas les gens, on ne les juge pas par rapport à l'intérieur. Parce que c'est une chose qui est impossible, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Wa kadhalika, certaines personnes ont dit, là c'est obligé que ce soit de la mécréance. Pourquoi? Parce que si jamais encore ce serait dans un jugement, et le reste, il y en a lorsqu'ils jugent, dans un ou deux jugements, ils jugent par une loi autre que celle d'Allah Azzawajal. Le reste, ils disent dans ce cas-là, c'est clair et net que ce n'est pas un kafir. Ils disent voilà, certains, comme Salah al-Sheikh, si je me rappelle bien, dans son kitab al-Tawhid. Il dit, là, si jamais, en majorité, ça montre que cette personne-là, on lui dit, quelle est la différence entre juger par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit du nombre de 2, de 4, de 20 ou de 60, yani ahkam. Y a-t-il une différence entre le kufr qui fait sortir de l'islam, parce qu'il juge que le fait de juger par une loi autre que celle d'Allah Azzawajal, c'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam? Est-ce qu'il y a une différence entre une loi qui a été jugée en dehors d'Allah Azzawajal, avec une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, ou bien d'une quantité qui est beaucoup? Beaucoup plus énorme. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ça s'appelle du quoi? Du tafriq bayna mutamathilin. Là, on est en train de diviser deux choses qui sont semblables. La personne qui fait un sujud li ghalillah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala, fil hal. Et celui qui fait 60 sujud li ghalillah subhanahu wa ta'ala, kazalika, c'est un kafir billah azza wa jalla. On ne va pas dire celui qui a fait un ou deux sujoud, eh bien, mayakfur, parce qu'il n'en a fait qu'un ou deux, mais celui qui en a fait 60, c'est la majorité du temps, yastudi ghalillah, eh bien, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Personne ne dit ce genre de choses-là. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, la qa'ada al-ma'ruf, elle a été prise du hadith, yani al-Nabawi, fa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit par rapport au hamr, il est haram, que ce soit en petite ou en grande quantité. Il a dit dans un autre hadith, tout ce qui va rendre ivre en grande quantité, son jugement il sera tel que ce qui va rendre ivre en petite quantité. Donc il n'y a pas de différence. Le kufr, c'est du kufr. Que ce soit en petite ou en grande quantité, c'est du kufr. Celui qui prétend que juger du noir autre que celle d'Allah Azzawajal, c'est du kufr qui fait sortir de l'islam. Il suffit donc que la personne a jugé une seule fois, bi ghayri ma anzallah, c'est un kafir billah, subhanahu wa ta'ala. Amma, de dire que si jamais c'est un ou deux jugements, c'est pas grave, enfin c'est pas que c'est grave, c'est un grand péché. Lakin, lorsque c'est beaucoup plus, c'est une majorité, et ben c'est un péché qui est énorme. Là, il est en train de faire une différence entre quoi? La mécréance en elle-même qui fait sortir de l'islam, qui est en petite ou grande quantité. Donc, à partir du moment que tu fais une grande quantité, t'es un kafir billah azawajal. Lakin, à partir du moment que tu fais une petite quantité, et même si c'est du kufr qui fait sortir de l'islam, ça fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est un qol qui est vraiment mutanaqid. C'est pas possible. Et ça, c'est un تفريق بين متماثلين والشرع لا يم... نعم لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين متماثلين. Le شرع il ne fait pas de différence entre deux choses qui sont semblables. Et il ne joint pas entre deux choses qui sont différentes. Là, ils sont en train de faire quoi? De séparer deux choses qui sont quoi? Qui sont semblables, qui ont une similitude. Et ça, c'est pas possible parce que le shara, il n'accepte pas ce genre de choses-là. Et Kabbalika leur dit, est-ce que la personne, Masalan, le père qui est injuste, tam, et c'est, il y en a beaucoup comme cela, qui dit Masalan à son fils, Yabni, rase ta barbe. Ou bien, diminue ta barbe. Parce qu'on est dans un zéman, les gens, ils ont un regard sur l'islam qui va faire que tu ne vas pas trouver de travail. Je sais que la barbe et la khirihi, c'est wajib. Lakin yabni, si jamais tu veux du travail, rase ta barbe. Ou bien diminue ta barbe. Là, il a hakam, il a imposé son jugement, même si jamais ce n'est pas le juge, qui est, c'est pas le gouverneur. Lakin dans sa maison, c'est le gouverneur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa mas'oul an ra'iyatihi. Toute personne qui a des gens sous son autorité, c'est une personne qui est autoritaire sur les autres. Donc c'est comme un gouverneur. Lakin c'est pas le hakim yani, al-ham, lakin c'est un hakim dans sa maison. Donc le fait qu'il dit à son fils ce genre de choses-là, ne fais pas cela parce que tu n'auras pas de boulot, ceci, cela, je sais que c'est wajib, lakin, on lui dit, kafalika, il a imposé un jugement qui est autre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala sur qui? Sur sa famille, sur son foyer. Donc kafalika, on dit à cette personne-là, elle a dit hakama bi ghayri ma anzalallah, et il a fait ça comme un tashri'. Sur son fils, dans sa maison, Kadalika, ça impose que ça implique Kadalika qui sort de l'islam. Il n'y a personne qui dit cela, à part qui? Al-Khawarij. Kadalika, si Amidia, sa fille, ne porte pas le djilbab, parce qu'il a les mêmes arguments que ceux qu'on a évoqués à l'instant. Il dit parce que tu n'as pas trop de boulot, il a khiri. Il se sait que c'est wajib, lakin, mets un petit foulard et tout, un djinn pas trop serré, et sors, Inch'Allah, et tawakkal, tu vas trouver peut-être du boulot. Là, Kadalika, on lui dit, hakama bi ghayri man zallah. Est-ce que ça fait... Il a imposé ce jugement-là à qui? À sa fille. Si jamais tu ne le fais pas, t'es viré de mon foyer, je te sors de mon foyer, je te bannis, t'es plus ma fille, il a rien parmi les menaces et parmi les cas qui sont concrètes. Fakazalika yalzam alayhim de rendre mécréant ce genre de personnes-là. Et personne ne dit cela. Personne ne dit cela. Parmi les shubuhat qui ont été évoqués, parmi les paroles de ulama, awwalan, là, lorsqu'on part dans des masail, dans lesquels il y a un khilaf, est-ce que la démarche à faire c'est de revenir vers les aqwal des ulama, ou bien c'est de revenir vers le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam? La shak wa la raiba fi, c'est la deuxième démarche. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma ikhtalaftu fihi min shay fa hukmuhu ila Allah. Lorsque vous avez une divergence dans un sujet, vous revenez au kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans cette démarche là on va trouver la solution au problème, on va trouver la solution à la divergence. Donc là, lorsqu'on part dans les masaïl là, pour imposer un jugement, pour savoir quelle est la vie qu'il faut prendre, on ne va pas revenir sur la parole des ulama, la simple parole des ulama, parce que ça c'est pas un dalil qu'on peut imposer à une autre personne. Donc là, ceux qui font cette démarche là, c'est-à-dire de prendre la parole dans des sujets, lorsque toi tu ramènes qal Allah qal Rasul et te dis Fulan ibn Funan il a dit cela, comme ça c'est la yajuz hada min as-safaha, ça fait partie de la faiblesse d'esprit. Comme قال الامام ابن القيم عليه رحمه الله فقال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بتمويه ما العلم حسبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه. Il a dit le ilm c'est قال الله قال الرسول قال الصحابه اي اجماع. Et la parole du faqih, le jurisconsulte, on ne la prend pas pour l'opposer à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de l'ijma'. On te dit قال الله قال الرسول, et la personne vient te dit quoi? Ajma' al-ulama, il te dit lakin Ibn Kathir l'a dit, lakin Muhammad Ibrahim l'a dit, lakin Fulan l'a dit. Ça c'est la yajuz. Hada la yajuz. Hatta qala Ibn Abbas yushiku an yunzila alaykum hajaratan min as-sama' aqul lakum qala qala ar-rasul wa taqulu qala Abu Bakr qala Umar. Parce que Ibn Abbas l'avait évoqué par rapport al hajj que tu pouvais le faire avec une umrah. Et d'autres ont dit, lakin Abu Bakr et Umar, ils voyaient qu'on faisait que le hajj sans le faire avec la umrah. Il s'est énervé, il a dit, peu s'en faut pour que des pierres vous tombent sur la tête. Je vous dis, Allah, il a dit, son prophète, ils ont dit, et il a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Umar, ils ont dit. Donc ça, c'est là, il y a juste, de opposer l'avis d'un jurisconsulte, d'un imam parmi les imams dans le din, à celle de Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faqal ibn Qayyim, min ilmuka hasbuka lil khilafi safahatan. Il appelait ça de la safaha. La safaha, معروف يعني في اللغة العربية يعني فبس دسبري تخلي سؤال لكن ça montre qu'il ne connaît pas يعني المصلحة التي ترجع إليه تامي c'est pas les choses qui sont bonnes pour lui تامي. On les évoque juste par rapport يعني parce que ça a été évoqué لكن nous on a تمسك بيش بالقواعد الدينية. Celui qui est musulman لا يجوز الخروج من الإسلام إلا بدليل من الكتاب والسنة. Parce que les قواعد dans le dîner sont marouvées. Cette قواعد là fait partie des قواعد qui sont quoi كبرة et كلية, qui ne souffrent pas d'exception et qui sont élémentaires. C'est-à-dire que c'est des قواعد dans lesquelles d'autres قواعد sont basées sur celles-là. Et elles sont متفقن عليه مجمع عليه بين العلماء. C'est un دليل. Ces قواعد là, en fait, c'est même, elles sont basées sur des adilles là. Qui nous prouve que celui qui est sur une chose avec certitude, on ne peut le faire sortir de cette chose-là, excepté par une autre certitude. Nous, on a des adillah qui nous montrent cela. Donc, à partir du moment qu'on n'a pas d'allée que la personne yakfur billah azza wa jal, si jamais on nous ramène la parole de Fulan et la parole d'Alan parmi les ulama, la simple parole des ulama, et ben ça ne changera pas le jugement. On peut même nous dire, on te dit, qu'Allah qu'al rasoul, et toi tu nous ramènes la parole de Fulan parmi les gens qui peuvent se tromper, qui font des efforts d'interprétation et qui peuvent se tromper. Fait, parmi les aqwal qui ont été évoqués, on va commencer par celui qui est yani ashaddu ishtibahan, la part de l'imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah fi kitabihi al-bidaya wal-nihaya. Fa qala rahimahullah ta'ala qala fa man taraka ash-shar' al-muhkam al-munazzal ala Muhammad ibn Abdillah khatim al-anbiya وتحاكم إلى غيره نعم من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى ياساء وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. Il nous évoque l'imam Ibn Kathir رحمه تعالى dans ce passage là. Il nous dit que فمن celui qui délaisse le jugement qui a été descendu sur le prophète صلى الله عليه وسلم et qui lorsqu'il juge il juge vers des ahkam, des lois qui sont mansoukha, qui sont abrogés, et bien c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, مثلاً, la Torah, elle est quoi ? Elle est abrogée. Celui qui vient, et lorsqu'il yahkum bi ghayri ma anzalallah, il impose cela de revenir à la Torah, هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. كما قال هذا كفر. قال فكيف بمن تحاكم إلى ياسا. Que dire alors de la personne qui va, juger par la loi de Yasa, qui faisait partie des Tatars. قال وقدمها عليه. Et qui l'a fait prévaloir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala man fa'ala dhalika, celui qui fait ceci kafara bi ijma' al-muslimin, celui qui fait cela, c'est-à-dire que il qaddam la loi de Yasa parmi les Tatars au kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben c'est un kafir bi ijma'. Donc là ils ont pris de cet texte là, ils ont dit alaysa al-ijma' dalilan min adilla al-kitab wa sunnah, l'ijma' n'est-il pas un dalil parmi les adilla du kitab et de la sunnah. Al-imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il a évoqué que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal et qui prend, qui importe yani, son jugement et qui le prend yani, des ahkam des kuffars comme Yasa yani, parmi les Tatars ou bien la démocratie ou autre chose, et bien c'est quelqu'un qui est sorti de l'islam. Il a dit Shir, l'imam Ibn Kathir, comme ils ont dit certains, il a jugé que ceci c'est du kuffar bi ijma' al-muslimin, celui qui prend une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal parmi les lois des kuffars, parmi les lois des kuffars. Et ben c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala bilijma. Donc ils ont dit toutes les personnes, tous les gouverneurs à notre époque qui jugent yani, pour une grande partie qui jugent yani, par la démocratie, le simple fait qu'ils ont jugé par la démocratie, ça fait de ces personnes là que c'est des murtaddoun, que ce sont des apostats qui sont sortis de l'islam ila akhirih. Fa hadha ad-dalil naham huwa dalilun, lakin ils ont mal compris la parole de l'imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Pourquoi? Parce qu'il a dit rahimahullah ta'ala, il a dit faman taraka ash-shar' al-muhkam al-munzala 'ala Muhammadin ibn Abdillah khatam al-anbiya wa tahakama ila ghayrihi min ash-shara' al-mansukha kafara fa kayfa biman tahakama ila yasa wa qaddamaha 'alayhi qala man fa'ala dhalika kafara bi ijma' al-muslimin. Donc là il nous fait part rahimahullah ta'ala que celui qui fait cela et qui est un kafir bil ijma' des muslimines, c'est celui qui qaddam, qui fait précéder la loi qui est autre que celle d'Allah Azza wa Jal, qui a été prise de chez les kuffar et qui la qaddam, qui la fait prévaloir à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui la met en avant au-dessus de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qaddama shay ma'ruf. C'est qu'il y a une chose devant toi, et tu qaddam, tu la mets, une chose yani devant elle. C'est comme si jamais tu mettais quoi? Yani tu faddilha. Tu la favorises. Il a bien dit, wa qaddamaha. Là on est d'accord. Que celui qui fait ceci, c'est-à-dire jugé par une autre loi, que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaddamaha ala kitabillah, wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa kafirun bi ijma' al-muslimin. La shak wa la rayba fihi. Et ça revient à quoi? À la hal qui s'appelle quoi? Man istahalla al-hukm bi ghayri man zallah. Celui qui a la conviction qui lui est permis de juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien man faddala, et ça c'est le plus apparent. Celui qui favorise son jugement à celui d'Allah azza wa jalla. Parce qu'il a dit quoi l'imam Ibn Kathir? Qala wa qaddamaha, et il a fait prévaloir, et il a fait devancer. Tam faddalaha, c'est la même chose. Tam. Ou bien celui qui yahkum et croit que son jugement est quoi? Il est équivalent à lakin. Celui qui en est d'apparence dans la parole de l'imam Ibn Kathir, wa qaddamaha, tam, qu'il a fait prévaloir, qu'il la met en avant, tam, c'est-à-dire que yani faddalaha. Ça sort pas de ces deux halat là. C'est impossible, tam. Parce que là, il a bien dit wa qaddamaha. Si jamais il aurait dit tahakama ila ghayrihi min ash-shara'i' al-mansukha kafara fa kayfa biman tahakama ila yasa man fa'ala dhalika kafara bi ijma' al-muslimin, il aurait dit ça comme cela, n'am. On aurait dit, bah là on a un ijma' minhu. À partir du moment qu'on n'a pas d'autres paroles des ulama avant lui qui nous montrent que ce ijma' là en vérité il s'est trompé, il y a d'autres qui vont évoquer une divergence, et bien on aurait dit, là on peut que se soumettre à la parole de Ibn Kathir, et se soumettre à la parole qu'il a rapportée de l'ijma' des muslimines, parce que l'ijma' c'est un dalil min adilat al-kitab wa sunnah. Lakin, il a bien restreint cette manière de juger à celui qui qaddamha, qu'il a fait prévaloir, c'est-à-dire que faddalaha. Donc là, on leur dit c'est une hujja alaykum. On fait comme ils appellent ça, yani ahl al-usul, ulama al-usul, qalbun. C'est-à-dire qu'on prend son dalil, qui pensait que c'était une hujja pour lui, qui pensait que c'était un argument pour lui, et on lui retourne et on lui dit, en vérité, ce dalil-là que tu as porté, c'est une hujja alayka. Et parmi les choses qui nous montrent cela, qala, par rapport au kitab de, alors, Dinkiz Khan, il y en a par rapport au ceux des Tatars. Dinkiz Khan, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Qala wa huwa ibaratun an kitabi majmu'in min ahkamin qad iqtabasaha min sharahi shatta min al-yahudiyya wa nasraniyya wa al-millati islamiyya. En parlant de Dinkiz Khan, il avait comme loi, tamam, la chose par laquelle il gouvernait, elle a été puisée à droite à gauche de Yahoud, des Nasara et de l'islam. Ça a été épuisé un peu de droite à gauche. Il a fait un majmour et il en a fait comme un destour. Je ne sais plus comment traduire ça en français. Un destour. قَالَ وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامَ خَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهَوَى. Et كَذَلِكَ, dans ces ahkam-là qu'il a pris, il y en a beaucoup, c'était quoi? Que de la hawa, de la passion et des choses qui venaient de l'imam. Donc il a fait un majmour, il a réuni un droite à gauche et il en a fait un destour. قال رحمه الله تعالى قال فصارت في بنيه شرعا متبعا. Et ensuite ceux qui l'ont suivi parmi sa descendance, ça a été une législation. Non, cherchez le mot, c'est législation. قال يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. Donc là ça revient un peu au même. Dans lequel il a dit رحمه الله تعالى que Dinkiz Khan, il a une législation, donc il a pris de droite à gauche. Il a pris de droite à gauche. Ensuite, ses enfants, kadhalika, sa descendance, ils ont jugé par cette loi-là qu'il a fait. Et ils l'ont qaddam, comme il a dit. Wa yuqaddimunaha ala al-hukm bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Fa hadha la rayba fi, que celui qui dit cela, bah, yani faddala, il a favorisé son jugement à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma celui qui dit, on lui dit, lorsqu'on dit ça, c'est la loi d'Allah azza wa jal, uhkum biha. Il te dit, ana a'rif, lakin, wallahi, je sais que je suis asi, l'akhirihi, je sais que j'ai pas le droit de faire ceci et cela, tu vois. Ben ça, c'est une chose, il y en a à part. Hein. On ne dit pas que c'est tous les gouverneurs qui, comment ça s'appelle, qui jugent par notre loi d'Allah Azzawajal, qui prétendent cela. Lakin, nous, comme on a dit dans la deuxième partie, apportez-nous, le gouverneur, et regarde-nous sa situation. C'est un asi, mais dans le sens, comme celui qui dresse une salat al-jama'a. Il sait que c'est wajib alayhi. Tu dis pourquoi tu fais pas? Il dit je sais qu'on doit aller à la mosquée, lakin wallah je suis un feignant et tout, il a khiri. J'ai envie de jouer un peu à la console, un peu, je vais prier après, je sais, il a khiri. Yani celui-là, quel est le cas? On lui dit, yani, c'est un asim al-rusar. Il reconnaît son erreur. Il reconnaît son erreur. Lakin celui qui dit je qaddam, Ça, c'est une autre chose. Hein. Donc, la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ce n'est pas une hujja pour eux, lakin c'est une hujja qui est alayhim. C'est une hujja qui est contre eux. Ce qu'il a bien évoqué, c'est celui qui fait, qui favorise sa loi, sa législation à celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Yaqaddimu ha, kama qala, rahimahullah ta'ala. Wa kadhalika mimma, dhakaru al-ulama, yani ma tajid, min al-ulama, après Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ceux qui ont pris la parole de l'imam Ibn Kathir et qui l'ont compris à la compréhension des. De l'al-Khawarij ou al-Takfirin, en disant que celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, et bien c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'ijma' qu'a évoqué l'imam Ibn Kathir. Tu ne trouves pas une personne après Ibn Kathir parmi les ulama qui sont mu'tabarin, mais l'ahl sunnah wal jama'a, et ni ceux dans son époque qui ont pris en considération la parole de l'imam Ibn Kathir du premier degré, ou bien plutôt de l'interprétation de ces hawla al-Takfiriyin, on n'en trouve pas. Donc ça nous montre que ils n'ont pas compris le texte, il y en a comme eux l'ont compris. Et on a une suffisance, il y en a dans la compréhension de nos ulama. Et même le texte en apparence, sans revenir, on va dire, à la parole des ulama, dans la compréhension, laquelle en apparence, hatta l'apparence, et la langue arabe a fait que tu peux que nous comprendre qu'il a voulu par là, rahimahullah ta'ala, c'est pas même qu'il a voulu, c'est clair et net, qu'il a évoqué dans ce texte-là. Que c'est la personne qui fait prévaloir, la personne qui fait prévaloir. Et ça, comme l'a dit l'imam Malik, plutôt l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, iyyaka wal mas'ala laysa laka fihi imam. Évite de parler dans des sujets dans le din, dans les choses où personne t'a précédé parmi les ulama. Personne n'a eu ces compréhensions-là parmi les ulama, excepté ceux qui sont à notre époque. Lakin, ceux à l'époque de l'imam Ibn Kathir, ils n'ont pas eu cette compréhension-là, ils sont nombreux. Les ulama à l'époque, même son tilmid qui est Ibn Abil Iz, alayhi rahmatullah, dans le charh de At-Tahawiyya, il n'évoque pas cela. Il a le même rôle que la parole de la plupart des ulama, même Ahmad al-Salaf, comme on a pu le voir. Donc personne n'a compris cela comme l'ont compris Hawala. Wa qala l'imam al-Barbahari, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'al wa tanzur. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, c'est une bonne nasiha. Lorsque tu entends la parole d'un imam parmi les a'imma, et nous dit ceux de ton époque, et dit ne t'empresse pas, et ne rentre pas dans la mas'ala, les yeux fermés, et dit lakin, pose la question, et regarde, c'est-à-dire médite sur la parole avant cela, c'est-à-dire que pose la question, on revient, on va la main, qui est maqala subhanahu wa ta'ala. Et quand dans les cas, tu te poses la question, comme a dit rahmatullah, hal hakama bihi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ou ahad min al-ulama. Est-ce que les sahaba, ils ont évoqué la parole, ou plutôt une parole qui est conforme à ta compréhension à toi. Et on a pu voir qu'ils ont évoqué que Ammatu Sahaba ou Ammatu Salaf, ils n'ont pas cette compréhension-là. Donc là, on rentre dans une mas'ala là. On sait que Ammatu Salaf, Ammatu Sahaba, ils n'ont pas cette compréhension, et ensuite on vient, on a une compréhension qui est autre que la compréhension de ceux qui nous ont précédés. Donc là, ce n'est pas une démarche qui est quoi ? Qui est Salafiyya. Plutôt, c'est une démarche qui est quoi ? Khalafiyya. On est en train de s'opposer et de diverger avec l'opinion et la compréhension de ceux qui nous ont précédés parmi as-sahaba ou al-a'imma al-muttaba'a. Qala rahimahullah ta'ala fa in wajadta fihi atharan min al-'ilm fatamassak bihi wa la tujawizhu li shay'in wa la takhtar 'alayhi shay'an. Non, il nous dit, si jamais tu es rentré dans une mas'ala et effectivement tu as vu que la parole de ceux qui t'ont précédé parmi les ulama et parmi as-sahaba, ils ont évoqué cette compréhension là, et ben il dit, prends la compréhension de ces personnes-là et accroche-toi. Ma'ruf, yani, il n'est pas en train d'appeler au taqlid, ou suivre des gens aveuglément. Lakin, ces personnes-là, ils ont évoqué d'Adillah, comme As-Sahaba, ils ont évoqué la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ils ont une compréhension par rapport à ce texte-là. Na'am. Là, on cède yani, de la compréhension des ulama. Ils ont une compréhension, surtout As-Sahaba, ils ont une compréhension du Coran. Ils ont la meilleure compréhension du Coran parce que le Coran a été descendu. Et eux, ils étaient présents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des muallim. Donc, ils ont la meilleure compréhension du tafsir du Coran. Donc, on revient à eux. Lorsque ils évoquent des adillah, et dans cette adillah-là, ils ont une compréhension. Donc, on doit revenir à eux. Et ensuite, l'avis qu'ils ont évoqué, et surtout si jamais c'est un ijma, comme là, c'est le cas un peu, c'est-à-dire c'est un ijma dans lequel on ne trouve pas de dalil qui montre cela, comme l'a évoqué Ibn al-Bar, et bien, dans ce cas-là, on s'accroche et on ne laisse pas cette parole-là parce qu'elle est muhkama. C'est comme le muhkam. Le muhkam, tu t'accroches, el mutashabih, tu le rejettes. Kadhalika, min ash-shubahat qu'ils ont évoqué, la parole de Sheikh al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Il faut savoir que cette parole-là, lui-même, il est revenu dessus. Donc on lui dit, l'imam al-Uthaymin, il a deux paroles dans cette mas'ala-là. Il y en a une qui est venue après l'autre, et celle qui est venue après l'autre, c'est la compréhension qu'ont Ammatu as-Salaf, dans ce sujet-là. Donc pourquoi tu t'accroches à cette parole-là? Là, c'est deux paroles. Là, c'est de la passion de prendre une des deux paroles-là. C'est de la passion. On revient à la compréhension des salaf et l'akhirah. Lakin, haoula, ce sont les gens qui cherchent la fitna, qui m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on évoque la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Qala rahimahullah ta'ala, dans ses fatawa, qala wa min haoula, man yada'una linnas tashri'atin tukhalifu at-tashri'at al-islamiyyah. لتكون منهجا يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق قال إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبيلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهج إلى منهج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. Dans ce texte-là, il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit parmi eux des personnes qui ramènent des législations qui s'opposent à l'islam, afin que ce soit une législation qui soit globale, yani pour toute la, pour tout son peuple. Ces personnes-là, ils n'ont pas instauré ces lois-là qui sont contraires au kitab et à la sunna de manière générale, excepté. Et qu'ils ont la haqida, que ces lois-là, qu'ils ont choisies, elles sont meilleures et elles sont plus profitables pour les gens que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, kathalika, parmi les choses sur lesquelles il s'est appuyé à l'époque, il a dit parce qu'on sait, minat darwara, parmi les choses dont personne n'ignore, parmi les choses des arguments de raison, il nous dit que la personne, elle ne laisse pas une chose, un minhaj, pour en prendre un autre, excepté parce que cette personne-là, elle a favorisé. Le minhaj et la législation vers laquelle comment ça s'appelle à se diriger et naam al-aqida que ce qu'elle a délaissé c'est comment ça s'appelle moins bien que la chose vers laquelle elle a choisi. Donc là il nous montre dans ce texte là que celui qui juge par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala ce sont des kuffars. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font cela ya'taqidun, ils ont la conviction que leur jugement est meilleur que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là ça revient un peu à ce qu'on avait un peu évoqué. Là, c'est prétendre ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et c'est un takfir bil-lazim. C'est-à-dire que celui qui fait cela, ça implique cela. Et on n'a pas de dalil, mais le kitab wa sunna qui montre cela. Donc, ça, c'est sa fatwa qui disait à l'époque. La fatwa qu'il a dit avant de mourir, rahimahullah ta'ala, les dernières fatwas qu'il a évoquées. Faqala rahimahullah ta'ala, wa alayhi. فإنه بتأويلنا لهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Il nous dit donc en conclusion nous disons yani dans l'interprétation de ces ayats là ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله فليس بكفر المخرج عن الملة لكنه كفر عملي أي أصغر. Il nous dit رحمه الله تعالى donc en conclusion de ces ayats là nous jugeons que celui qui juge avec une loi autre que celle d'Allah Azzawajal, ce n'est pas un kafir, ou plutôt ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam, lakin c'est une mécréance qui est quoi? Ramal, c'est-à-dire kufurun ashar. Qala li anna al-hakim bidhalika kharaja an tariq as-sahih. Celui qui, le gouverneur qui juge avec une loi autre que celle d'Allah Azzawajal, il n'a pas pris la bonne voie pour cela. Qala wa la yifarraq bidhalika bayna ar-rajul alladhi ya'khudh qanunan wad'iyan min qibali ghayrihi aw yuhakkimuhu fi dawlatihi. بين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا. Il dit رحمه الله تعالى en conclusion de cela, il dit il n'y a pas de différence entre la personne, le gouverneur, qui lorsqu'il juge, il s'appuie sur une législation, un قانون qui est وضعي, une législation qu'il a pris d'autres que lui, comme la démocratie, ou la personne qui lui-même invente une législation. Parce qu'il dit le muhim huwa hal al-qanun yukhalif al-qanun as-samawi. Nous, qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est est-ce que ce qanun-là il s'oppose ou pas à celui du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux cas, c'est clair et net qu'il s'oppose au kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut dire par cela que nous on regarde ce qanun-là, si jamais c'est un qanun qui fait que ça implique que la personne sort de l'islam, eh bien il sort de l'islam. Si jamais ça implique qu'il ne sort pas de l'islam, il ne sortira pas de l'islam. Que ce soit en grande ou en petite quantité, que ce soit lui ou pas qui l'a inventé, qu'il impose ou qu'il n'impose pas à son peuple, il faut regarder est-ce qu'on a un dalil qui nous montre que cela fait sortir de l'islam, et ce n'est pas le cas ici, comme vous pouvez le voir, il a jugé que ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. Kama qala rahimahullah ta'ala. Kadhalika, il y a une autre fatwa, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il montre que ce n'est pas de la mécréance. Qala rahimahullah ta'ala, qala idha kana ya'lam ash-shar'a, lakinnahu hakama bihadha, aw shar'a hadha, wa ja'alahu dusturan yamshi an-nas 'alayhi. Il dit rahimahullah ta'ala, si jamais idha kana ya'lam ash-shar'a, il sait qu'il faut juger par la loi qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il juge par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il impose à son peuple. Qala wa ya'taqid annahu zalim fi dhalika. Et il sait, lorsqu'il fait cela, il sait, il a la conviction qu'il est injuste, qu'il est en train de faire une erreur. Qala wa anna al-haq fi ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah. Et il sait que la vérité, elle est dans le kitab et elle est dans le sunnah. Dans ce qui est venu révélé du kitab et la sunnah. Qala fa innana la nastati' an nukaffira hadha. Et il dit, cette personne-là, on ne peut pas la rendre mécréante. Celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, qu'il impose comme législation dans son gouvernement, tamam, tout en sachant qu'il est zalim, qu'il est injuste, faqala rahimahullah ta'ala, wa in, on ne peut pas le juger de mécréant, qala wa innama nukaffir man yara anna hukma ghayri Allah subhanahu wa ta'ala awla an yakuna an-nas alayhi aw mithla hukmi Allah Azzawajal. Il nous dit rahimahullah ta'ala, on ne peut se permettre de juger de la mécréance de ceux qui jugent avec une autre loi que celle d'Allah Azzawajal que les personnes qui ont la raqida et la conviction que leur jugement il est meilleur, il est prioritaire que, sur le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il est égal au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là il montre que celui qui est jugé de mécréant, c'est celui qui voit al-afdaliya, que son jugement il est favorable, qu'il est mieux, ou bien qu'il équivaut à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a pu évoquer dans la première partie que ceci c'est de la mécréance bila shak wa la rayba fi sur cela. Lakin là il évoque bien qu'on ne peut juger de la mécréance des personnes qui jugent, même si jamais son jugement, et il impose cette législation-là qui est autre que celle d'Allah Azzawajal à son gouvernement, à son peuple, lakin il sait que lorsqu'il fait cela, c'est un zalim, il est injuste, et il dit on ne peut pas le rendre mécréant. Et c'est cette fatwa-là qui a été dite le 22 du mois de Rabi' al-Awwal en 1420. C'est cette fatwa-là qui a été dite en 1420. Et kadhalika, parmi les choses qu'ils ont évoqué la fatwa de Mohammed Ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, le mufti de Al-Saoudiya, qui était avant Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Le Cheikh de Ibn Baz est le grand-père de Salih al-Sheikh. Dans son kitab, dans lequel qui est Tahkim al-Qawanin, il a évoqué que celui qui juge par une loi qui est autre que celle d'Allah Azzawajal et qui en fait une législation qui est haram pour toute sa communauté, il dit que celui-là, c'est du kufr mustabin, c'est une mécréance qui est claire et nette, dont personne ne peut juger de l'inverse. Et il a pris des adillas par rapport à cela, les adillas qu'on a pu évoquer dans la deuxième partie, mais la kitab wa sunnah, qui ne montre rien. Il a pris par rapport à cela, mathalan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a bien dit que cette personne-là, il ne croit pas. La yu'min. On a pu voir que la yu'min, c'est pas à prendre au premier degré. Au contraire, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il nous dit que la base, à la base, dans le kitab wa sunnah, lorsque tu trouves la yu'min, ça veut pas dire qu'il est sorti de l'islam, lakin qu'il a fait, qu'il a délaissé un wajib, une obligation, qui fait que cette personne-là n'a pas la foi qui est quoi, complète. C'est un mu'min da'ifun iman, comme on parle. Mu'min da'ifun bil iman. Son iman, tamam, il est vraiment faible. Tamam, il est vraiment faible, lakin c'est pas un mécréant. Ça, c'est la base. Tamam, il dit, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il dit, regarde comment ça nous montre qu'Allah Azzawajal, il a voulu juger par rapport à l'ayah qu'ils sont sortis de l'islam parce qu'il a juré. Il a dit, Fala wa rabbika. Donc il a appuyé cette parole-là en jurant sur lui-même. Fala wa rabbika. Par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Et là, on nous dit, kadhalika. Donc si jamais on venait à prendre ce genre de démarche-là, eh bien celui qui nuit à son voisin, ben, c'est un kafir billah Azzawajal. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal, il a dit, la yu'min. Ben, il a juré trois fois. Nabi Sami, il a beaucoup plus appuyé que cette personne n'a pas la foi pour celui qui nuit à son voisin que la ayah. Parce que là, Nabi Sami, il a juré trois fois. Il a dit Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulallah. Qala alladhi la ya'man jarahu bawa'iqatah. Celui qui nuit à son voisin. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Et par Allah, il ne croit pas. Hatta, il a dit Nabi Sami, il est dans un hadith. Tellement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a insisté sur le droit du voisin, il a dit, j'ai pensé qu'il allait hériter de nous. C'est ma'ruf, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-kafir la yarif min al-mu'min. Wal-mu'min la yarif min al-kafir. On n'hérite pas, le muslim il n'hérite pas d'un kafir, et le kafir n'hérite pas du mu'min. Il a dit tellement, Allah azza wa jalla, il a insisté sur le droit du voisin, j'ai pensé que il allait hériter de nous. Ça nous montre que ce n'est pas forcément une méchance. Même si jamais on trouve il y en a un qasem que Allah Azza wa Jalla l'a juré, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a juré, ensuite il a évoqué qu'il ne croit pas. L'asr qui manque à la cheikh de l'islam, c'est que c'est quoi? C'est pas de la méchance qui fait sortir de l'islam, laquelle ça nous montre qu'il a iman qui est faible. Et si on veut juger de la méchance, il nous faut un dalil qui est beaucoup plus clair. Donc là, kazalika la aya, elle n'est pas fi babiha. Il a évoqué kazalika fa hukm al-jahiliyyati yabghun. Donc tous ceux qui jugent par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jalla, et ben c'est un jahili, le jahili c'est un kafir billah Azza wa Jalla. Il y a des ayas, il y a des dalils qui nous montrent le contraire, comme on a pu évoquer. Dans la deuxième partie, yani je passe de manière en résumé sur la parole de l'imam Mohamed Ibrahim, parce qu'on a pu évoquer un peu la dilla qui a été évoquée dans la deuxième partie, qu'il a évoqué, et il n'y a que des ayats qui sont quoi, mutashabiha, qui ne nous montrent pas, qui ne nous montrent pas cela, et que les aïmas, ils n'ont pas eu cette compréhension-là. Et hatta, yani pour résumer cela, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Baz, lorsqu'ils lui ont dit, yani Mohamed Ibn Ibrahim, il a cette compréhension-là, que celui qui impose législation pour son peuple, l'akhiri, c'est un kafir billah azza wa jal. Il a dit Mohammed ibn Ibrahim laysa bi ma'sum. C'est quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas vulnérable. Il se trompe. Il peut avoir raison. Il dit levez la main kazalika. Il se trompe. Il peut avoir raison. Ibn Baz peut te l'a dit Ibn Taymiyyah. Il se trompe. Il peut avoir raison. Ibn Qayyim il peut se tromper. Il peut avoir raison. Ibn Kathir l'a dit il se trompe. Il peut avoir raison. Il a dit kullu min al-ulama yu'khadh min qawlihi wa yurad. On peut prendre sa parole comme on peut la délaisser. Parce que c'est pas une révélation. C'est pas une révélation qu'il a reçue. Il peut se tromper. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر وإذا حكم فأخطأ فله أجر. Comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hakim, celui qui fait un effort d'interprétation de l'adil, là, il peut se tromper comme il peut avoir raison. Et c'est le cas de Mohammed ibn Ibrahim. C'est un grand alim, lakin ça ne veut pas dire que c'est un nabi. Ou plutôt même, حتى il avait dit, ليس بنبي. C'est pas un prophète. Il peut se tromper. Il peut se tromper. نعم par rapport aussi كذلك الآية ذلك الله سبحانه وتعالى دي فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. Ils ne trouvent pas de gêne, c'est-à-dire que lorsqu'ils reviennent au kitab d'Allah Azza wa Jalla wa sunnah rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de gêne dans leur cœur, c'est-à-dire que ils acceptent le jugement de plein gré, donc ça implique que toute personne lorsqu'on lui évoque un jugement parmi les jugements du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne le prend pas de plein gré, yadid fi nafsi haraj, et ben c'est quoi? C'est un kafir billah azza wa jal. Donc ça implique cela. Et on a des adillah qui montrent le contraire. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, comme a fait muttafaqan alayhi, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani bi'tisar le hadith, qassama, yani il avait donné dans la qisma, c'est-à-dire dans le jihad, il a eu, un butin, et là, partagé le butin à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et surtout aux bédouins. Et certains ont trouvé que c'était injuste. حتى قال يعني بعضهم والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. L'a dit ce partage là, l'a juré par Allah Azza wa Jalla que ce partage là, c'est un partage dans lequel il n'y a pas d'équité. Et c'est un partage dans lequel le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas été recherché. Lorsqu'il a entendu cela, Ibn Mas'ud فقال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Par Allah Azza wa Jalla, je vais informer al Rasul de ce que tu as dit. فأتاه فأخبره. Informé de cela, fatagayyara wajhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta sara kasr, yani son visage il est devenu rouge. Tam faqala fa man ya'dil idha lam ya'dil la wa rasuluhu. Qui pourra être juste en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu? Si jamais Allah azza wa jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont pas justes, qui en dehors de eux pourra être juste? Tam ensuite il a dit yarhamullahu Musa faqad uziya bi akthar min hadha fa sabar. Tam fa en aucun cas Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jugé de cette personne là. Kadhalika min adillah qui prouve cela, que le simple fait de ressentir une gêne et aller dans un jugement, que ça ne fait pas de sortir de la personne de l'islam. Le hadith d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, fil Bukhari, dans lequel Kazalika, par rapport à Al-Ghanaim, et par rapport au butin, Qala, lorsque ça a été, Al-Nabsum, il a partagé cela, fi Quraysh, il a dit, une personne parmi l'Ansar, Faqala, inna hadha lahu wa l'ajab. C'est une chose qui est vraiment étonnante. قال إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. C'est nous qui avons combattu et nos غنائم il revient à ces personnes là qui n'ont rien fait. يعني comment ça se fait? يعني هذا قال إن هذا لا هو العجب. C'est étonnant. C'est nous qui combattons, donc on est les plus à même à recevoir ce partage là, et le partage il va à qui? À ces personnes là qui n'ont rien fait. فلسك النبي صلى الله عليه وسلم إن أنتم سلام فقال فما ما الذي بلغني عنكم قالوا هو الذي بلغك il a dit النبي صلى الله عليه وسلم quelle est la chose qu'on m'a transmis et l'ansar il a dit c'est la chose qu'on t'a transmis يعني ce qu'on t'a dit c'est ce qu'on t'a dit تام que c'est عجيب تام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما ترضون أن ترجع أو أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم n'agréez-vous pas pour vous que les gens retournent vers leur maison avec la dunya et que vous retournez vers vos maisons avec Allah subhanahu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que avec le mérite de la akhira. Laissez-les retourner chez eux avec la dunya, lakin vous allez retourner chez vous avec le mérite de la akhira, que vous avez fait le jihad billah subhanahu wa ta'ala et vous aurez votre récompense. Comme vous avez pu voir, yani il a pas agréé cela. Lorsqu'il a vu ce jugement là, il a dit wallahi inna hadha la'ajab, c'est étonnant. Donc est-ce qu'il a jugé Nabi sallam de la mécréance de cette personne là? Kadhalika parmi les hadiths qui nous montrent cela. نعم الحديث ده جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبتو دو زبير نعم dans lequel il évoquait que نعم انه جرى بين الزبير ورجل من الانصار وبتو من البدريون خصومة يعني il y a eu une dispute entre Zubair et une personne parmi les personnes qui était présent يوم بدر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء أغضب الأنصاري فالنبي صلى الله عليه وسلم a jugé d'un jugement qui a fait que ce Badri ce Ansari il s'est fâché il a jugé en faveur de Zubair et en défaveur de ce Ansari et il s'est fâché فأغضب يعني ce jugement là الأنصاري فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك en fait tu as jugé en faveur de lui parce que c'est ton neveu فهو كذلك ما سلم لله تسليما تام فإلى يتفشى تام par rapport à ça c'est pas une mécréance qui est fait sortir l'islam par rapport au simple fait d'avoir une gêne ça peut arriver on va y en de cette personne là تام il s'est fâché sur le coup parce que il a pas eu le jugement en sa faveur c'est pas parce qu'il y a un yataqid que النبي صلى الله عليه وسلم c'est un injuste là parce qu'il voulait que le jugement soit en sa faveur c'est tout et l'akhir تام donc ça fait pas les choses qui font c'est pas les choses qui font sortir de l'islam comme l'a évoqué le ulama donc c'était par rapport à la fatwa de Mohammed Ibn Ibrahim. À la coule de Had, ce sont des aqwal parmi les ulama. On les évoque parce que c'est takfirien. Et ceux qui les suivent, tam, ils les évoquent comme étant des grands dalils. Tam. Comme vous pouvez le voir, aslan, ce n'est pas des dalils. Deuxièmement, les arguments qu'ils ont ramenés, ils sont discutables yani, du début à la fin. Et nous, on s'accroche au kitab. On s'accroche à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On va évoquer, inshallah, voilà ça pour finir. Pour que cette série, inshallah, soit un peu complète. La parole des ulama. Parmi les contemporains qui ont jugé que celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah Azzawajal tout en sachant que c'est un zalim c'est pas un kafir billah subhanahu wa ta'ala faqala l'imam al-albani alayhi rahmatullah faqarrara fiha al-shaykh al-albani anna man hakama bi ghayri ma anzala Allah la yakun kufran illa bil istihlal shaykh al-albani il voit que celui qui a jugé par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un kafir ce n'est pas plutôt du kufr excepté pour la personne qui c'est-à-dire qu'il croit qu'il lui est permis de faire cela. L'imam Ibn Baz, il a annoté, il a porté une annotation à la parole de l'imam al-Albani, celle que je viens de vous citer. Faqala rahimahullah ta'ala, qala fa'alfaytuha kalimatan qayyima. La parole qu'il a évoquée, l'imam al-Albani, il a dit, Cheikh Ibn Baz, c'est une bonne parole qu'il a évoquée. Qala wa qad asaba fiha al-haq. Et il a dit la vérité. Qala wa salaka fiha sabil al-mu'minin. Il a emprunté la voie. Des mu'minin. قال وأوضح وفقه الله. قال أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. Il nous dit que نعم il a bien évoqué le Cheikh Al-Albani. Il a bien éclairci expliqué que il n'est pas permis de rendre mécréant une personne qui a jugé par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'appuyant sur le simple fait qu'il a jugé par cette loi là qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, à partir du moment qu'on ne sait pas que cette personne-là, il a fait quoi? Bistihlal. C'est-à-dire qu'il a fait tout en ayant la conviction qu'il lui est permis, qu'il a le droit de juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on a l'imam al-Albani qui a évoqué cette kalima-là. Et Cheikh Ibn Baz, il a approuvé. Alayhi rahmatullah. Wa al-lajnatu daima kathalika. Qala fi sual, dans lequel il dit, mata yajuz et takfir, wa mata la yajuz يعني تكفير. وما نوع التكفير المذكور في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بغير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc ils ont posé la question, quand est-ce que la personne sort de l'islam et quand est-ce qu'il n'est pas permis de juger qu'il est sorti de l'islam par rapport à la ayah ومن لم يحكم بغير ما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا, après qu'ils ont fait la khutba al-haja, comme أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز, قال فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم. Il nous dit, rahimallah ta'ala, ils ont dit plutôt, non, rahimallah, parce que c'était à l'époque Ibn Baz qui était à la présidence de cette fatwa-là, ou Abdel Razak, Al-Afifi, ou Al-Ghodayan, je ne sais pas si il est mort, ou Ibn Qu'ud, à la Kullahal. Ils ont dit, afin qu'on puisse juger que est-ce qu'il sort de l'islam ou pas, il faut que tu nous montres yani, la situation. Donc, comme on l'a pu évoquer, on ne peut pas juger directement, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'ils ont répondu directement que c'est du kufr ou pas? Ils n'ont pas répondu. Ils ont dit, montre-nous la situation qui t'a posé un problème, et nous, on va te répondre en fonction de cette situation-là. قال أما النوع التكفير في قول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Il dit c'est une grande mécréance à partir du moment que si jamais c'est une situation qui est telle à celle qu'on évoquait plutôt qu'à évoquer القرطبي dans son tafsir par rapport à la parole d'Ibn Abbas et de Mujahid, c'est-à-dire que celui qui juge par l'autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il rejette le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il renie la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit non. Donc dans ce cas-là, non, c'est une grande mécréance. قال واما من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد انه عاصي لله لكن حمله على الحكم بغير ما انزل الله ما يدفع اليه من الرشوه او غير هذا او عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك فهذا لا يكون كفره أكبر. يعني quant à celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant la conviction que c'est un rasi, c'est un désobéissant, et la chose qui l'a poussé à faire cela, comme il a évoqué, c'est le richwa, les pots de vin, les dessous de table, ou bien que il n'aime pas la personne qui s'oppose à lui, donc il lui fait une injustice, il juge par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce soit en défaveur de la personne qu'il déteste, ou bien parce qu'il a jugé en faveur de l'autre parce que c'est un ami à lui, ou bien c'est un proche à lui, ou bien parce que c'est son ami, il a khirihi, donc ça l'a poussé à juger en faveur de cette personne-là, tout en sachant qu'il sait que cette personne-là n'avait pas raison, lakin par rapport à la hawa. Qala wa nahmu dhalika, et les autres exemples qu'on peut évoquer par rapport à cela, il a dit, ils ont dit plutôt, فَهَذَا لَا يَكُنْ كُفْرُهُ أَكْبَرْ. On ne peut pas juger de cette personne-là, tant que c'est une grande mécréance que ça l'a fait sortir de l'islam. قَالُوا بَلْ يَكُنْ عَاصِيًا. Au contraire, tant on juge de cette personne-là que c'est un désobéissant. قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي كُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ وَظُلْمٍ دُونَ ظُلْمٍ وَفِسْقٍ دُونَ فِسْقٍ وَبِاللَّهِ تَوْفِيقٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَسَلَّمْ. نعم, ils ont évoqué rahimahumullah wa hafidh al-ahya que cette personne-là, elle ne sort pas de l'islam, elle ne sort pas de l'islam, et que c'est un kufr, d'un kufr, et c'est une injustice en dehors de la grande injustice, et kadalika un fisq, d'un fisq. Donc là on peut voir kadalika que Al-Ijna Da'ima qui était sous la présidence de Ibn Baz wa Al-Afifi wa kadalika Al-Ghudayyan wa Ibn Qu'ud, ils ont jugé que c'était pas de la grande mécréance, et kadalika ils ont une autre parole dans laquelle ils ont dit إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر. Si jamais il voit qu'il a la possibilité, qu'il a le choix et qu'il a le droit de juger par notre loi qu'est-ce d'Allah عز وجل, et bien cette personne là c'est un kafir بالله عز وجل, il est sorti de l'islam. قال أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة ومقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك. Et si jamais il juge par notre loi qu'est-ce d'Allah عز وجل, pour الرشوة, les dessous de table, ou bien par une intention qui est autre parmi ces intentions-là, et tout en ayant la aqidah, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, t'as la conviction, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, c'est une chose qui est interdite. فَقَالُوا فَإِنَّهُ آثِمٌ وَيُعْتَبَرُ كَافِرًا كُفْرًا أَصْغَرَ ظَالِمًا ظُلْمًا أَصْغَرَ فَاسِقًا فِسْقًا أَصْغَرَ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمِلَّةِ. T'as celui qui fait cela, qui sait que ce qu'il a fait c'est interdit, ils disent que c'est un désobéissant, et on le considère comme étant un kafir qui n'est pas sorti de l'islam, et comme un valim qui n'est pas sorti de l'islam, et comme un fasiq qui n'est pas sorti de l'islam. Kalu kama awdaha dhalika ahlul ilm. Et kadhalika elle était sous la présidence de Sheikh Ibn Baz, kadhalika Abdur Razzaq al-Afifi wa Abdullah ibn Ghadayyan alayhim rahmatullah wa hafidha al-ahya. Fa kama sami'ta, la lajna da'ima, ils ont évoqué que c'est pas une grande mécréance. Kadhalika al-allama Sulayman ibn Samhan alayhi rahmatullah فقال يعني فإني بقبر على مسألة قال أن من استحل الحكم غير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله فهو فمن اعتقد هذا فهو كافر. Il nous dit celui qui voit qu'il a le choix, qu'il est possible de juger par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, ou qui voit que le hukm bit taghut, tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal, il est mieux que celui d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa man i'taqada hadha, c'est un kafir. Celui qui a cette conviction là, et ben c'est un kafir billah Azzawajal. Qala, il est sorti de l'islam. Qala wa amma man lam yastahilla dhalika wa yara anna hukm at-taghut batil wa anna hukm Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam هو الحق فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام. Quant à celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, لكن لا يفعل ذلك استحلالا, donc on peut savoir maintenant, on sait ce que c'est استحلالا, tout en sachant que il a la aqida que le hukm bi taghut c'est une chose qui est vaine et que le hukm d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité. Et il dit que ce genre de personne là ne sort pas de l'islam, لا يخرج من الإسلام, et c'est pas un kafir بالله سبحانه وتعالى. Et on va conclure inshallah avec la parole de الإمام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. نعم. فقال رحمه الله تعالى. Il avait posé la question par rapport ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد. Donc par quel nom on peut juger de qu'une personne elle est sortie de l'islam et que la mécréance qu'il a fait c'est de l'istihlal. قال رحمه الله تعالى الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله. قال وأما الاستحلال الفعلي فينظر. Là il parle de l'istihlal qui quoi? Qalbi, celui qui a la conviction dans son cœur que cette chose là il la rend licite tout en sachant qu'elle est interdite. قال أما الاستحلال الفعلي, c'est à dire que celui qui fait une désobéissance, c'est à dire qu'il se permet de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme tout asi, celui qui fait un péché, celui qui tape son frère dans le visage, par rapport à son geste, il s'est permis de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout désobéissant, il s'est permis de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne l'a forcé. Il n'était pas contraint. Il a fait cela de plein gré. Donc il s'est permis de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a voulu. Celui qui désobéit se permet de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir la conviction que ce qu'il fait, ça lui est permis. Lakin, il a fait cela par désobéissance. قَالَ لَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ تَعَامَلَ بِالرِّبَا. Il a cité l'exemple de celui qui fait du riba. L'argent qui est haram. قال لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه. Il prend du riba. لكن لا يعتقد أنه حلال. Il n'avait pas la conviction que ces choses-là, quoi, elle est halal. Il a le droit de faire cela. لكن il le fait bihawa comme ils font les musulmans. يعني كثير منهم. قال فإنه لا يكفر. Celui qui se permet de manger du riba, tout en sachant ce qu'il fait, يعني c'est haram, il dit cette personne-là لا يكفر. قال لأنه لا يستحل له. Pourquoi? Parce que il n'a pas la conviction dans son cœur que cette chose-là, elle est quoi? Elle est halal. Il sait que c'est haram et il sait que c'est un injuste. À partir du moment qu'il n'a pas la conviction que cette chose-là, elle est halal, elle est permise, qu'il n'a pas la conviction, la aqida dans cela, et bien on ne peut pas juger de la mécréance. قال ولكن لو قال إن الربا حلال يعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. أما سجمي دي que الربا c'est halal, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien dit, وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah azza wa jalla interdit الربا. Si jamais il dit الربا, il est permis, il est autorisé, il dit dans ce cas-là, يكفر بالله سبحانه وتعالى. Pourquoi? Parce que par cette démarche-là, par cette parole-là, il est en train de démentir Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Parce que le Coran, il évoque l'inverse, que c'est haram. Donc ça, c'est un résumé, un grand résumé de la mas'ala de hukm bighayri ma anzal Allah. Et cette conférence là, plutôt cette série de cours, parce que c'est plus une série de cours, je l'ai puisé d'un livre, le hukm yani bighayri ma anzal Allah, et on a ajouté kadhalika par rapport aux durus qu'on a pu prendre à Damas, que ce soit dans Fath al-Majid ou bien ghayrihi min ad-durus kadhalika, parmi mes recherches, et en espérant que inshallah tabarak wa ta'ala que cette conférence là, plutôt cette série de cours là, elle est profitable, inshallah, aux musulmans, et que ce soit une protection contre la aqida qui est fasida, la mauvaise compréhension qui est évoquée dans ce bab-là. Et que dhalika, yani, an al-insan yanqalibu da'in Allah azza wa jalla. Lorsqu'il voit que les gens, ils parlent dans cette mas'ala-là, bil-batil, et bien lui, il intervient avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme science, en profitant des durus, ilakhirihi, et il évoque la parole des ulama, il évoque la parole d'Allah azza wa jalla, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il réfute ce batil-là. Donc yani, le but, inshallah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on s'instruit, c'est pour qu'on devienne des du'ati Allah subhanahu wa ta'ala, comme qu'Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawassaw bil haqqi C'est-à-dire que celui qui s'est instruit et qui a mis en application, il se doit ensuite, Inch'Allah, d'être un da'i Allah Azza wa Jal, d'expliquer aux gens qui ont mal compris cette mas'ala dans laquelle les gens sont trompés, et même des ulama sont trompés, kibar al-ulama se sont trompés, afin que ces personnes-là, eh ben, ne tombent pas dans ce que sont tombés ces ulama, et kazalika hawala at-takfirin. Donc, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, kounu muta'awinin ala al-khair, entraidez-vous dans le bien, et propagez le din al-sahih afin que le char yaqil, afin que le char il soit amoindri. Donc ça, inshallah, c'est le résumé, en espérant inshallah tabarak wa ta'ala qu'il a été profitable. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Si inshallah il y a des questions relatives à cette mas'ala là, faites-nous part de vos questions inshallah tabarak wa ta'ala par rapport sur le mail du site. Faites-nous part, Inch'Allah, de vos questions, de vos suggestions, et qu'à si jamais il y a des erreurs que j'ai pu citer, des sabqa al-lisan, des lapsus qui ont été dit, Inch'Allah, vous en faites part. Wa nata'awana ala khair ala birr wa taqwa. Wa jazakum allahu khairan. Fa naktafi bi dhalika. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Wa jazakum allahu khairan. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.